On the rocks, même à l'envers, on the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à me laisser vos merdes? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I press the button. On the rocks. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Amis de la poésie, de la bonne humeur, du peace and du love, et passez votre chemin, car ce soir, ça va être saignant dans The Rocks, de 19h30 à 21h30. Ça va même être violent, puisque c'est une battle ce soir avec Sylvain des Sockeye Fever, que je salue des bouts des lèvres. Bonsoir, Sylvain. Salut. Ah, je n'ai pas mis son micro, ça commence déjà. C'est une technique d'approche. Je recommence. Bonsoir, Sylvain. Salut, Manu. Ah oui, voilà. Tu as décidé de m'abattre psychologiquement, c'est ça? Exactement. Toutes les armes sont bonnes ce soir pour cette battle, surtout que le thème n'est pas petite fleur bleue et petit cuicui. Non. Mais tu veux te battre. Ouais, tu cherches la bagarre. Tu cherches la bagarre. Si tu cherches la bagarre, tu vas me trouver. Donc le principe est simple, pour ceux qui sont en mesure de comprendre le principe, ce qui n'est peut-être pas le cas de Sylvain. Est-ce qu'on va tenir l'émission comme ça? Quel malotru, hein. Voilà, un morceau chacun, voire deux, puisque c'est moi qui ai les manettes, hein, donc je fais un peu ce que je veux. Et donc avec ce thème de « Tu veux te battre », c'est le thème ce soir. Évidemment, vous derrière votre pause pendant 2 heures, vous allez compter les points, et puis à la fin, bah, c'est le meilleur qui gagne. Bah, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, bah voilà. C'est ça. Donc la chic et du molar ce soir sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur OnTheRocks.net en rediffusion, parce que cette baston sanglante va être diffusée sur Zef à Blois. Donc voilà, ça commence, âme sensible, s'abstenir et carte Willy Boston. On va commencer par le coup de cœur quand même avant de rentrer dans la grande bataille avec Sylvain. C'est un extrait du dernier album des Last Train. Alors je crois que c'est leur deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Groupe alsacien de petits genoux, hein, alors vraiment des petits genoux. Je sais pas quel âge ils ont, mais ils ont un peu moins que toi, mon cher Sylvain. Mais quelle enflure, hein. Non, voilà. Et donc ils viennent de sortir leur deuxième album. Alors groupe réputé, groupe de scène avec guitare en avant et concert furieux. Premier album qui était vraiment très bien. Alors je les ai jamais vus sur scène, mais ils passent à l'Astrolabe le 17 octobre, donc nous allons pouvoir juger sur pièce. Et surtout que le deuxième album, en tout cas le dernier, je crois que c'est le deuxième, vient de sortir, et il est absolument fantastique. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un album de rock français, alors chanté en anglais, de cette qualité là ils ont apaisé les morceaux, ils ont étiré les morceaux dans leurs parties les plus énervées. Ça peut faire un petit mélange d'Oasis et Nirvana, vous voyez, un peu dans le genre. Et puis dans les morceaux les plus calmes et les parties les plus calmes, et ben ça touche du doigt les meilleurs Radiohead. C'est vraiment super bien. Il n'y a pas un mauvais titre sur l'album. On va essayer de vous faire un petit astro micro filmé, interview on the rocks, tout ça pour en savoir un peu plus. Mais voici le morceau Fatigué depuis 1994, c'est le nom du morceau. Voilà, déjà rien que le nom, j'aime bien. C'est le coup de cœur ce soir, vraiment, coup de cœur sans réserve. Après un morceau d'un groupe, bon, bah, c'est contractuel, on est obligé de les passer, mais c'est pas long, c'est l'avantage. Et puis on retrouve Sylvain des Sockeye Fever qui a préparé ses petits morceaux de Baltringue, vous êtes dans The Rocks. De baston. Pardon. Last Train avec Tide since 1994. Take it one way or the other. How could I think I could be something else than the fading flower? stars. Regrets plastic surgery. So many nice Hollywood stars. I know what I wanna be. They're so afraid to fade away, to be something of yesterday, to disappear from the look of those who made all the light an overdose. But me and Amber dreams, we'll be there tonight. How does it feel to be long called back? Ce soir dans The Rock, ça m'embête de lui mettre une volée parce que c'est quand même un gars qui écrit des bonnes chansons, quoi. Faut pas lui enlever ça, c'est son petit truc à lui. C'était les Sucker Fever, donc, avec ouais. Ce morceau qui s'intitule Ouvrez les guillemets, The End Never Dreams, fermez les guillemets, qu'on pourrait traduire par. Par La fin ne rêve jamais. Voilà. Je sais pas qui a eu l'idée d'un titre comme ça. Hein. Bah écoute, ça, bon, je préfère pas en parler. En tout cas, musicalement, c'était quand même vachement bien. J'ai cru entendre et lire quelque part que les Sucker Fever allaient bientôt sortir des nouveaux morceaux, non pas en album, oui. Parce qu'il faut pas exagérer, mais en EP. Oui, un EP que j'aurais bien aimé pouvoir te présenter dès ce soir. Mais non. Pourtant, c'est enregistré, mixé depuis bien longtemps. On a pris un petit chou de retard là sur le mastering, hein. La pochette. Pourtant, c'est pas bien sorcier. Ça va être un 5 titres, donc c'est un format assez simple. Voilà, il n'y a pas un gros boulot au niveau. Pochette, tout ça, c'est un objet de transition, on va dire, entre les deux, enfin entre l'album précédent et celui qui devrait arriver l'année prochaine. En 2028. Non, en 2028. Ah non, pardon. Non, le prochain album est quasiment fini d'enregistrer. Ah oui. Cet été, on a enregistré pas mal. On a fait. Là, on finit. Là, il reste un coup de basse à faire, un peu de guitare, quelques chœurs. Et après, je vais commencer à mixer tout ça fin d'année. Ah, ça fait plaisir, ça. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Et je suis content. Ah oui. Ah oui. Je suis content. Ah. Voilà. Parce que perfectionniste. Bah oui. Sinon. Et donc content. Bah pour l'instant, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ça y est, j'ai plus d'oreille gauche dans mon casque. Ça commence. Ah, le sabotage commence. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Tu l'avais au début ? Ouais, mais des fois ça disparaît. Des fois, ça disparaît, c'est ça. C'est pas grave. C'est l'âge. Ouais. Donc on reparlera des Sucker Fever. C'était à l'instant évidemment tiré du. Oui, c'était bien du dernier album en date celui-là. Ouais. Troisième disque en 2017, ouais. Voilà, et donc on attend la suite avec impatience. Mais d'ici là, le guitariste, compositeur, arrangeur, producteur des Sucker Fever devant moi va se faire pulvériser sur cette battle. Ah, que tu dans, dans le thème est Tu veux te battre. Et comme je suis pas chien, je vais lui laisser la main. Pour le début. Eh ben, je vais te proposer une petite olive en apéritif avec un groupe que j'adore, dont j'ai déjà parlé certainement ici, The Hives. Ah oui. Bah oui, quand même. Déclare. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, si tu cherches ta bagarre, mon gars, ah là, si les tu Hives, comme ça, il y a plus personne derrière. Quoi. Les Hives déclarent la guerre nucléaire. C'est vrai. Le titre qui commençait leur deuxième album par lequel ils ont été encensés et connus dans le monde entier. Veni Vidi Vicious en 99, je crois, c'est vieux déjà. Oh là là. C'était, 20 ans. Ouais. 20 ans. Tu rends compte. C'était un peu un soufflet et un crachat à la figure de ceux qui avaient enterré un petit peu tôt les guitares électriques. Ah oui, là, il y en a. La gomina, les costumes, les cravates, quoi. Et puis, ça posait l'album et le groupe d'emblée, quoi. C'est-à-dire un morceau court, concis, hyper énergique, complètement décomplexé, ultra costaud dans sa construction, la voix. Ça délaye pas, hein, contrairement à la Strain qui délaye très bien, mais qui délayait en ouverture. Là, ça délaye pas. Là, bah, c'est le début, c'est 1 minute 35. Donc, en même temps, la guerre nucléaire, tu sais, ça dure pas longtemps. T'appuies sur un bouton et paf. Donc là, tu veux te battre. Alors, déjà, on est un petit peu déjà hors sujet, tu en as conscience de ça. Comment ça? Ben, mais si tu veux te battre, moi, je t'envoie les Hives avec leur bombe atomique. Avec leur bombe atomique. Ah oui, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Bon, bah, c'est parti. C'est le début de notre battle. Tu veux te battre? Et si on commence, normalement on devrait commencer avec des lance-pierres ou des trucs. Non, moi c'est la guerre nucléaire tout de suite. Je déclare le feu nucléaire. Okay, d'accord. Monsieur Bourdier. Ok, et ben c'est parti. Ah oui, ça c'est voilà. Bien. Ça c'est bien. Pas de prisonnier. Tac. Ouais. Bon, bah oui, c'était The Hive. Je vous conseille aussi le morceau Tic Tic Tic Boom. Boom aussi, ouais. Et très bien, encore, qui peut marcher aussi. Ouais. Bon, un point. Ah oui, non, un bon point. Alors maintenant, là, je vais jouer les fumiers d'entrée, c'est-à-dire que dans les bagarres. Ah tiens, d'ailleurs, quelle est la dernière fois que tu t'es bagarré, mon cher Sylvain? Regarde-moi bien. Ce soir, parce que j'ai une tête à me bagarrer. Mais oui, justement. Ça doit être en CE2, peut-être bien. Ah ouais. T'as gagné? Bien sûr. Je crois que c'était en, tu me le demandes pas, mais je vais te le dire quand même. Moi, c'était en sixième, je crois, ou en cinquième. Et moi, je suis le genre, voilà, il y en a qui se bagarrent à la régulière, ouais, on se retrouve et tout. Moi, je suis le genre fourbe. Oui, et pendant la baston, j'avais une idée de génie, parce qu'on sortait de la cantine, j'avais un sachet de moutarde dans la poche et je l'avais vidé dans les yeux. Non, mais c'est pas. Tu vois ce qui t'a attendre ce soir, Alors, je me suis pas battu, mais j'ai travaillé longtemps auprès de John qui aimait bien la bagarre. Ah, donc ouais. Tu sais de quoi je tu sais parles. À quoi ça ressemble. Bon, alors donc, moi, c'est le coup en traite, là, c'est l'effet coup de moutarde dans les yeux. Là, je vais passer deux morceaux. Paf! Ouais. Non, mais attends. Mais oui! Parce que c'est moi qui ai les manettes. Donc, voilà, normalement, j'essaye de placer un Beatles par thème. Et pour l'instant, j'en étais très très bien sorti. Ouais. J'avoue que là, j'ai pas trop réussi, mais quand même. C'était évident, attends. C'est le groupe de bagarreurs par excellence. Oui, mais un morceau, vas-y, il suffit pas de. Voilà, un morceau. Alors, je vais passer un morceau de McCartney enchaîné avec un morceau de Lennon. Le morceau de McCartney figure sur ce qui reste sûrement comme le meilleur album solo de McCartney qui est sorti en 71, juste après la séparation des Beatles. C'est un album qui s'appelle Ram. On voit McCartney tenir un bélier. C'était sa période. On mange plus de viande et on gambade dans les champs, et voilà. Et donc il tient un bélier par les cornes comme ça, par derrière. J'ai et peur. Non, tout va bien. Et le morceau d'ouverture s'appelle Too Many People. Alors c'est très très cryptique, mais ça dit en gros, il y a trop de monde autour de toi pour se partager le gâteau. Il y a trop de donneurs de leçons et tout ça. Et donc c'était un peu dirigé vers John Lennon. Mm-hmm. On aurait pu le comprendre comme ça. Par exemple, John Lennon sortait de son lit pendant 6 mois avec Yoko Ono. Il disait que la guerre c'était caca et il dit voilà, il y a trop de gens qui se sentaient pas bon d'ailleurs. Voilà, il y a trop de gens qui donnent des leçons, tout ça. Donc alors John Lennon avait le choix, soit il ne comprenait pas le message, mais il était trop intelligent pour ça, soit il le prenait avec humour, et c'était sa période un peu héroïne, c'était pas le moment. Ouais. Soit il le prenait très mal, il faisait un morceau pas du tout fin qui rentrait dans la tronche de McCartney. Bah c'est ce qu'il a fait directement sur l'album Imagine avec un morceau qui s'appelle How Do You Sleep? Ben, oui. Comment est-ce que tu peux dormir? Comment est-ce que tu peux te regarder dans la glace? Et là les paroles sont absolument terribles. C'est Sergeant Pepper t'a pris par surprise, tous ceux qui disaient que t'étais mort avec la rumeur, bah ils avaient bien raison, t'es mort. La seule chose que t'as fait de bien c'était Yesterday. Mmh. Et puis maintenant tu fais un morceau qui s'appelle Another Day qui est pourri. Moi tout ce que tu fais c'est de la musaque, enfin voilà, donc c'est bon, c'est poétiquement c'est moyen, mais c'est dans le thème et au niveau efficacité c'est pas mal puisque il a représenté sur son disque un gars qui fait subir les derniers outrages à un scarabée, un peu comme McCartney avec son bélier, donc c'était un peu voilà ce que t'as fait aux Beatles, tu vois. Et puis voilà, et puis sur le morceau surtout il y a George Harrison qui joue de la guitare, donc ça fait un peu quand oui, même c'était la prise de guerre. Voilà. Et John Lennon. Donc je sais pas si tu connais ces deux morceaux. How Do You Sleep, ouais. Ouais. Donc bon, on va commencer par le Too Many People qui commence en gros par ces paroles. T'avais un joli jouet que t'as cassé, tant pis pour toi, le joli jouet c'était les Beatles. Ça fait du mal. Pour un fan des Beatles comme moi, ces deux morceaux-là, ça fait du mal. C'est parti, voici d'abord McCartney plutôt gentil. Lui, c'est une guerre à la McCartney. Gentil, d'un genre, je te mets une pichenette et l'autre, lui met un coup de boule en retour. So, Sergeant. How do you sleep? Je me suis trompé. Alors, attends, mais si c'est grave, parce qu'on commence par McCartney, le gentil. Et ça ne part pas au start, donc ça ne va pas du tout. C'est une catastrophe, ce début d'émission. Alors, attendez, hop, je vais changer. J'ai mis de la moutarde sur ta platine disque, en fait. Fumée de lapin, là. Ah oui, mais je peux pas le faire lapin ça. Le lapin, la moutarde. Mais comment c'est possible? Alors, attendez, on va réessayer un truc, parce que ça va être compliqué, sinon, voilà. Donc, Sylvain, pendant ce temps-là, va vous chanter une chanson. Pas du tout. Pas du tout. Je te laisse te dépatouiller. Alors. On essaye. Ah, voilà. c'était la spéciale C'est celui qui dit qui est, avec d'abord Paul McCartney avec Too Many People, et juste après Lennon avec un sacré morceau quand même, How Do You Sleep, avec un refrain presque reggae comme ça, et la basse de Klaus Voormann qui a dessiné la pochette de Revolver également. Des Beatles. Ah, mais il faisait du dessin, il faisait tout cet homme. Il faisait tout, Klaus Voormann. Produit par Phil Spector, je pense. Produit par Phil Spector. Sacré bagarreur aussi, lui. Oui. Il pas le chercher. Lui. Non, mais lui, ouais, c'est ça, c'était armé. Ouais. Voilà, donc c'était deux morceaux. Comme je suis pas chien, bon, la victoire est au bout, donc c'est pas grave. Maintenant, Sylvain va pouvoir. En fait, c'est ton concept. Moi, je passe une chanson d'une minute trente, t'en passes deux de 15 minutes. Quoi. Et je gagne. Par suffocation. Donc là, Sylvain des Sokoy Fever qui est là, c'est pas sa particule, hein. C'est pas Sylvain des Sokoy Fever. Voilà, c'est quand même. On pourrait. C'est pas mal. Deux Sokoy Fever. Va pouvoir maintenant passer deux morceaux à la suite. Ah bah tiens, bah tu vas l'avoir, ta claque dans la figure, tiens. Bah déjà, les IA, ils étaient bien déjà. Ouais, et bah une deuxième, paf. Bah tu m'obliges à répliquer avec les Rolling Stones, excuse-moi. Ah oui. Et comme tu m'offres deux morceaux, et ben ça tombe bien, j'ai deux versions de la même chanson. Ah oui. Ah bah oui. Et suffisamment éloignées l'une de l'autre pour que. Ah oui, je vois ça. Bah je connais pas la deuxième, tiens. Ah bah voilà. Donc les Rolling Stones, ouais. J'enlève mon CD des Rolling Stones parce que forcément. Bon, voilà. Hop. Ça tu le jettes, c'est pour moi. Ça, c'est toi pour c'est toi les Beatles, moi c'est les Rolling Stones. C'est vrai. Les Rolling Stones, si tu voulais te battre à un moment donné, tu pouvais aller chercher la bagarre dans les concerts des Stones, dans les, oui, les premières grosses tournées stoniennes, notamment en France, paraît-il. C'était une ambiance très castagnette, testostérone, les chaises volaient, il y a des jeunes gens qui se fritaient et qui attendaient la police pour se friter avec aussi. Vraiment, ça bagarrait. Et puis les Stones ont eu leur période aussi un peu outlaw, enfin surtout Keith Richards qui pendant un moment se trimballait avec un flingue quand même aux États-Unis, où il était un peu parano aussi, c'était l'héroïne aussi. Et puis il y a eu des morts quand même. Altamonde quand même, ouais. Ça a calmé tout le monde, ça. Bah ouais, c'est vrai que c'était pas gentil. Non, c'était pas gentil. Pas gentil du tout. Mais l'idée de prendre Hells Angels pour faire le service d'ordre, c'était original comme idée. Ouais, c'était très bête. Moi, ils avaient pris des Hells anglais pour Hyde Park quelques mois avant. Mais ça s'était plutôt bien passé. Ça s'était bien passé, c'était bon enfant. Mais là, les Hells de San Francisco, c'était pas les mêmes. Ouais. Et puis, je sais pas si tu connais ces images, il y a un concert début des années 80, où on voit Keith Richards qui fout un coup de guitare à un mec qui essaye d'agripper Mick Jagger pendant Satisfaction. Enfin voilà, quand même, fallait pas trop chercher. C'est pas Donovan, quoi. Bon. Non. Et puis, il y a ce morceau, évidemment, cet hommage que je pouvais pas passer à côté, bah, quand même, Street Fighting Man. Bah oui. L'hommage. Que j'avais programmé également, mais bon. Ah bah attends. Bah, non, mais c'est le jeu, c'est tout à fait le jeu. Qui était un hommage aux luttes de l'époque. C'est un morceau qui date de 68, donc c'est en référence à ce qui se passait en France en mai 68, ouais, au printemps de Prague, aux luttes sur les campus américains, où ça fritait pas mal. Ouais. Droits civiques, peut-être. Il y avait des droits civiques aussi, ouais. Enfin, il y a eu des morts aussi. Hein. Oui. Il y a eu des morts. Donc, Street Fighting Man, super chanson. J'ai choisi la version live de Get Here, Yaya's Out. Oui. Et c'est là que je suis en train de développer une théorie sur les chansons des Rolling Stones actuellement. Attends, je m'installe confortablement. C'est que ça commence, à chaque fois que ça commence, je dis, mais qu'est-ce qu'ils y arrivent pas, les débuts. Ouais, on sent qu'ils ont pas bossé les intros. On dit, mais ils connaissent les accords ou quoi, les mecs? Ça commence un peu. Ils m'avaient déjà fait le coup la dernière fois. Ouais. Et ben, ça confirme, tu vois. Ça commence un peu cheesy, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et puis, à chaque fois, souvent, aller au tournant du refrain et du deuxième couplet, eh ben, il y a la machine infernale qui se met en route, et paf paf dans ta figure, et tu te fais attraper, tu te fais choper, et par un anaconda qui te relâche plus, en fait, jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la toute fin, où là, c'est pareil. Il refoire complètement. On s'arrête comment, les gars? Ah, ouais. C'est déjà fini. Non, roulement, bam, boum, plaf, une guitare à gauche, une guitare à droite, pas en même temps, et voilà. Et après, si j'ai le droit à un deuxième morceau, la version Street Fighting Man de Rage Against the Machine. Oui, alors ça sera pas enchaîné, parce qu'il va falloir que je fasse une petite manip, donc on dirait une petite, toi. Ouais, parce que tu les as pas enchaînés, toi. Eh ben, je ferai un poème. Ouais. C'est parti, voici les Rolling Stones, Street Fighting Man, tiré de leur live où on voit Charlie Watts avec son chapeau melon, là. Son chapeau haute forme. Alors c'est Mick Jagger qui avait un chapeau de forme avec le drapeau américain dessus, et la pochette du disque, on voit Charlie Watts qui est sur un âne. Sur un âne. Au milieu d'une, ce qui ressemble à une piste d'avion, je crois. D'accord. Avec quelques guitares sur le côté. Bon, donc, concept. Ça vivait pas que du. Je pense qu'ils ont cherché du banga. C'est parti, Street Fighting Man. pas très propre. Enfin, c'est pas très très propre. Bon, et maintenant, pendant que je cale ce même morceau, mais par Rage Against the Machine, Sylvain va vous dire son insulte de bagarre préférée. Mon insulte de bagarre préférée ? Couille molle. Très bien. Comme tu devrais le savoir, parce que je te l'ai envoyé par mail. C'est vrai, c'est chez mon avocat. Ouais. De Tom Morello et la douce voix cristalline de Zach de la Rocha. Oui. Qu'est-ce qui devient le petit Zach ? Ben, je sais pas, mais à l'époque, il avait toujours pas compris ce qu'était une mélodie, le garçon. Non ? On reconnaît à peine, hein, quand même, les Rolling Stones, hein. Bah, c'est, ouais. Alors, c'est le reproche que je ferais à ce genre de reprise, c'est que, c'est une reprise, tu prends la mélodie de la chanson, quand même. Là, ça torpille un peu. Ah bah, Rage Against the Machine, quand ils font une chanson, c'est Rage Against the Machine. Voilà. Quelle que soit la chanson, ça ressemble toujours un petit peu. Ça ressemble toujours un petit peu à Rage Against the Machine. Ah, ça ressemble toujours un peu à ça, ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Voilà. Mais, je sais pas, ils ont fait 3-4 albums, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Ils ont pris. En même temps, c'est leur patte. Les Stones, hop, ça ressemble à ça. Non. La petite Huguette, ça ressemble à ça. Non, mais quand ils reprennent, n'importe quoi qu'ils reprennent. Ah oui, pardon. Mais oui. Vous êtes dans The Rock, c'est ce soir le thème, la battle avec Sylvain from The Sokoy Fever. C'est. Tu veux te battre? Tu veux te battre, point d'interrogation, mais avec un peu une. Vous voyez, tu veux te battre, toi. Et pour moi, la chanson la plus tu veux te battre du monde, il n'y en a pas d'autre, à mon avis, c'est l'équivalent américain de Quoi ma gueule de Johnny Hallyday. Ouais. C'est le Trouble d'Elvis Presley, écrit par Liber Stoller. Ouais. Et voilà, c'est vraiment la chanson, si tu cherches la Caston, t'es au bon endroit, mon pote. Ouais. Je fais bien. C'est ça, ouais. J'ai fait Elvis Presley deuxième langue. Et donc, avec peut-être Elvis qui n'a jamais aussi bien chanté que sur ce morceau. Et il chante de façon absolument merveilleuse jusqu'au bout. On s'est déjà diffusé dans The Rock, il me semble, dans une battle déjà. Mais oui, je sais pas pourquoi. Mais c'était très bien. Mais en tout cas, voilà, on se le repasse. Ça s'appelle Trouble. Et c'est lui qui était à toi, vient de battre. En gros, c'est les paroles, c'est ça. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm so don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try at all alone. So don't you mess around with me. I'm evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, Ah, qu'il est fort ce King. Ah, il est bien. Ouais. Il est bien. C'est vrai que c'est une super version. Ah oui, puis avec tous les cuivres là, façon Dixieland un peu là, c'est ouais. Super bien. C'était Trouble donc avec, on sait pas si ça se termine en bagarre, mais en tout cas, c'est dans le thème. Ça, c'est un beau point. C'est dans le thème. Je reconnais, c'est bien. On est bien d'accord. Ouais. Sylvain, dès ce Soccer Fever est ici, il a d'autres morceaux dans sa musette et il va nous en proposer un maintenant sur le thème. Tu veux te battre. Tu veux te battre. Eh ben, écoute, on va rester dans les années 50 alors, hein, puisque tu m'as lancé avec Elvis Presley. Oui. Avec un autre classique. De Link Wray, aha. Le fameux Rumble qui signifie tout simplement bagarre. Bagarre. Bagarre. Link Wray, c'était un fameux guitariste qui a quasiment inventé le punk, quoi. C'est une sorte de proto-punk. Un rock très, très frustre dans l'approche, dans le son, dans l'orchestration. C'est pas Bob Burcara, quoi. C'est vraiment des arrangements au papier de verre et au fil barbelé. Et il y a ce morceau incroyable, qui est un instrumental, en fait. Et alors, la petite histoire de cette, j'ose pas dire cette chanson, parce que c'est pas une chanson, ça cause pas, de cet instrumental a quand même réussi à être interdit sur les ondes américaines. Ah oui. Oui, a été censuré parce que l'Amérique un petit peu coincée de l'époque, ouais, considérait que c'était un appel à la débauche, que c'était un morceau un peu lascif, un peu, on sait pas trop. Enfin, voilà. Un appel à la bagarre, un appel à la débauche. Un appel plutôt à la débauche, ouais. Alors peut-être que le titre faisait aussi. Bon, c'était l'époque des blousons noirs qui faisaient un peu peur. Et c'est une référence à cette vie-là, quoi, de blousons noirs et de surins et de chaînes de vélo. Oui. Voilà, c'est vraiment un classique. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir le film où on voit The Edge, Jimmy Page et je sais plus quel autre guitariste. Et Jack White, voilà, j'ai vu des petits bouts. Ouais. Et ben à un moment, Jimmy Page explique sa fascination pour ce morceau, qui est tout simple, hein, c'est trois accords, tring, tring, tring. voilà, il fait deux tours comme ça, puis le troisième tour il fait la même chose, mais sauf qu'il appuie sur le trémolo de l'ampli et donc ça vibre, quoi, c'est tout. Et ça fait une carrière. Mais qui a duré vachement longtemps, hein, Linkray. Il est décédé, je crois bien. Et c'est une icône du punk, rockabilly, rock'n'roll. C'est bon. Alors c'est parti. Ça s'appelle Rumble et c'est pour se bagarrer. Pour la bagarre, ouais. Frustre. Ouais. Il a bien rentabilisé ses trois accords. Bah oui, et la particularité, c'est ce petit rythme derrière qui n'est pas sans rappeler les Indiens d'Amérique. Car Linkray a été un Amérindien. Ouais. Il avait une gueule. Hein, il avait des racines, Apache, un truc comme ça. Bon. Et puis, moi, j'ai vu, merci au Wikipédia, qu'il a joué en 94 quatre titres sur l'album Chatterton d'Alain Bashung. Ah ouais, je ne savais pas. Incroyable. Merci Wiki, sans toi nous ne serons rien. Ce soir le thème dans The Rock c'est tu veux te battre. Et autant des fois voilà, il y a des morceaux comme Rage Against the Machine, on n'irait pas les chatouiller, ils y arrivent non plus. Et puis il y a des morceaux de bagarre qui parlent de bagarre et on n'y croit pas du tout. C'est un peu comme quand Michael Jackson dit je suis mauvais, méchant. Bon, c'est vrai qu'il était méchant quand même, il a fait vraiment des choses très méchantes. Il a fait des trucs méchants mais pas dans le même voilà. Eh bien, c'est un peu le cas d'Elton John sur un album qui est un album fantastique de 1973 qui s'appelle Goodbye Yellow Brick Road. Eh bien, il y a Saturday Night's Alright for Fighting. C'est super le samedi soir pour se bagarrer. Bon, attends, j'enlève mes plateformes boot et mes lunettes à paillettes et j'arrive. T'es plutôt branché lune gréco-romaine, lui, je pense. C'est ça. Bien aimé ce. C'est ça. Donc, alors, très très bon morceau d'Elton John quand même. Mais il joue les méchants, ce qui lui arrive rarement. Et bizarrement, On n'imagine pas se bagarrer. Ou alors avec plein de sachets de moutarde dans les poches. Ouais. voici donc une bagarre vraiment pitoyable d'Elton John avec Saturday Night's Alright for Fighting. Se sauve. Peur de prendre un coup de griffe, mais oui. Gaffe les mecs, hein. Attention. Donc c'était Elton John avec Saturday Night. Ouais. C'est des rires un peu gras qu'on a, on s'excuse. Saturday Night's Alright for Fighting. Mais très bon morceau. J'ai une version des Who qui est à peu près aussi pire que celle-là. Elle est bien celle-là. Oui, bah oui, bien sûr. Bon, ce soir dans The Rock, c'est spécial Tu veux te battre. Alors là, forcément, quand on entend ça, on se dit vous voir. Ouais. Mais peut-être que Sylvain, des Sokoï Fever, va nous proposer quelque chose d'un peu plus flippant. Flippant, plus. Plus jamaïcain. Plus jamaïcain. Ah, plus jamaïcain, donc, mais c'est version. C'est bon. C'est hop. Non, c'est pas celle-là. Tac, non, pas du tout. C'est pas celle-là. C'est The Harder They Come, monsieur. Il est où? Ah oui, il est là, mais il est là. Parce que super morceau. Ouais. Alors attends, parce que je t'ai préparé une surprise. Ah. Ouais, oui, bien sûr, quand même. Pourquoi la musique jamaïcaine? Parce que il y a dans le ska, le reggae, enfin le rocksteady des années 60, souvent des références au rude boy. C'est vrai. Le rude boy, c'était le voyou jamaïcain, ouais. un peu voleur, un peu macro, un peu bagarreur, qu'il fallait pas trop chercher parce que il pouvait circuler en bande aussi. Ouais. Au-delà de l'image un peu carte postale de la Jamaïque, c'est quand même ça peut craindre du boutin. Ouais, c'est une île où ça castagnait quand même. Ouais, ouais, ouais. Enfin voilà, je pense. C'était pas des, c'était oui, voilà. C'était des durs, hein, les rude boys, comme ouais. Oui, rude boy, Rudy, comme on disait, c'était oui. Vraiment des costauds. Et il y a un film qui parle un peu de ça, c'est The Harder They Come, mm-hmm. avec Jimmy Cliff. Je sais pas si t'as déjà vu ce film. Non, mais il paraît que c'est très bien. C'est un super film. Ouais, c'est à ma connaissance, le premier film jamaïcain. De l'histoire du monde. Parce qu'il y a eu trois films en Jamaïque, remarque, en 5 ans. Il y a eu Harder They Come 2, et Harder They Come fait du ski. Voilà. Harder They Come, c'est un film de 72, je crois, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient de sa campagne, oui. Qui est décidé à se faire connaître dans le monde de la musique. Il part à la conquête, des charts jamaïcains. Et puis, comme c'est un petit voyou, il a aussi affaire un peu à la police, quoi. Et puis à des rivaux qui plaisantent pas. Et c'est Jimmy Cliff qui joue. C'est Jimmy Cliff qui joue. Qui joue bien. Qui joue très bien. Ouais, ah ouais. Qui joue très bien. D'accord. Et il y a des scènes de musique qui sont absolument fantastiques. La BO est splendide. C'est un panégyrique de la musique jamaïcaine des années 60. Il y a Toots and the Maytals, ouais. Des gens comme ça. Jimmy Cliff a plusieurs chansons et il y a des scènes d'enregistrement en fait dans le film où ça enregistre en direct, quoi. Ouais. Et avec 4-5 musiciens regroupés sur 3 mètres carrés, ça dégouline de transpiration et de feeling. Les scènes d'enregistrement sont vraiment vraiment géniales. Mais j'ai pas ramené la version originale de Jimmy Cliff. J'ai trouvé Joe Jackson. Parce que Joe Jackson l'a repris. Exactement. Et oui. Mais elle était pas terrible. Non. C'est pas terrible. C'est vrai. Joe Strummer a repris aussi. Ah oui. Joe Strummer a repris. Mais c'est celle-là. Non. Mais non. C'est Patrick Topalov. Non, je dis pas qui c'est. Je sais pas si c'est un groupe que tu connais d'ailleurs. C'est un groupe. C'est un groupe américain qui s'est fait connaître fin des années 60, qui a joué à Woodstock d'ailleurs. Voilà. Groupe plutôt blues à la base. Je sais pas trop de quand date la version. Ça doit être 73, 74. Une version très soul. Vraiment super, super, super. C'est d'accord. Une super chanson à la base. Cette version est vraiment classe. Bah, c'est ça, quand les chansons sont fabuleuses à la base, les mettre en zouklov et ça marche. Ouais. C'est parti, voici donc The Harder They Come par. Ah, tu verras, je te dirai à la fin. On sait pas. Canayou. Seem to hear your cry. So as sure as the sun's gonna shine, I'm gonna get my share now of what's mine. Well, if the harder they come, the harder they'll fall, one and all. The harder they come, the harder they'll fall now, one and all. Well, the oppressors are trying to keep me down. Underground, saying that they have got the battle won. Give them, Lord, they know not what they have done. So as sure as the sun's gonna shine, I'm gonna get my share now of what's mine. Well, in the harder they come, the harder they'll fall, one and all. Now, one and all. c'est très très bien ça. Ah, c'est chouettos. Alors bah non, alors qui bah c'est donc? C'est très dur à trouver, c'est Candide. Ah, Candide, comme on dit en français. Ah, alors là, j'aurais pas du tout reconnu. Ce groupe avec un ours qui chante. Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, super version. D'accord. Bah ouais. D'habitude, c'est plutôt dans les un petit peu dans les aigus qui chante ce monsieur. Alors il y a alors effectivement il y a deux chanteurs. Il y a deux chanteurs. Il y a la voix aiguë, c'était chanteur guitariste qui était un peu le un des membres enfin fondateur et puis central du groupe au début, qui est mort prématurément à cause de la drogue. Ça arrive souvent. Ça arrive. Juste après avoir enregistré un disque que j'adore moi avec Johnny Hooker, le groupe avait accompagné Johnny Hooker. Ouais. Et sur la pochette, on voit le groupe, enfin le groupe moins ce mec-là parce qu'il est mort entre-temps et tout le monde fait la gueule. Ah d'accord. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'est d'accord. Et il y avait le gros chanteur qui se faisait appeler The Bear, l'ours. L'ours. De par son physique, c'est celui qu'on vient d'entendre. C'est celui qu'on vient d'entendre, ouais. Ouais. Et si t'as l'occasion de voir les images de Woodstock, on voit les deux. Il y avait l'autre, c'était son surnom, c'était la taupe parce qu'il était myope comme une taupe. La taupe et l'ours. La taupe et l'ours. J'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelait. C'est la pauvre taupe, mais pauvre taupe. Ça c'est bien comme insulte de bagarre. Ouais. Pauvre taupe. Pauvre taupe. Hein, et la pauvre taupe avait joué de l'harmonica, figure-toi, sur le disque de Son House, grand bluesman des années 30 qui avait fait un disque dans les années 60. Bon. Et ouais. Bon, ça circule encore, Candide? Non, peut-être pas quand même. Bon, oh, ça... c'est le genre de groupe, ça m'étonnerait pas. Avec, un petit peu d'arthrose et hop. Ouais, ils sont vieux quand même. Ouais, c'est possible que ça écume encore les festivals de jazz ou des trucs comme ça. Ça se peut. Alors ce soir le thème dans The Rock c'est tu veux te battre, pour l'instant une belle programmation, hein, c'est pas pour nous envoyer des fleurs mais on est pas mal. Donc, ce soir on est pas mal. Alors souvent quand ça se bagarre ça peut être les rude boys dans la rue pour une dose et puis ça peut être également à la maison, dans la cuisine les assiettes peuvent voler, ça s'appelle une scène de ménage. Et la plus belle scène de ménage qui a jamais été enregistrée, gravée sur disque, elle a été par Otis Redding et Carla Thomas dans un morceau qui s'appelle Trump. Ouais. Quoi? Tu ouais. dis que je suis quoi? T'es un clochard? Quoi? Viens le dire. Va te faire couper les cheveux. Exactement. Ouais. Et donc, bah voilà, c'est une scène de ménage. Ils le font très bien, tous les deux, on y croit. Ouais. Donc, bah, on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus, hein. Otis Redding qui est quand même une des plus belles voix de l'histoire de la voix. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et voilà. Il y a tout un album de duo Carla Thomas, Otis Redding. Ouais. Mais c'est vraiment le seul où il se crêpe le chignon. Ouais. Clochard, toi-même. Ouais. C'est parti, ça s'appelle Trump et c'est une scène de ménage musical et ça, tu veux te battre, ça. Je sens que tu regrettes de pas y avoir pensé. Je l'ai vu dans ton œil gauche. C'est vrai. Ça, c'est un beau point. Tramp. What you call me? Tramp. You did. You don't wear continental clothes or Stetson hats. I tell you one doggone thing, it makes me feel good to know one thing. I know I'm a lover. Bad opinion. That's all right, mama. What's up? Opposition. And I'm the only child loving you all. I know you. You know what, Otis? What? You're country. That's all right. You're straight from the Georgia woods. That's good. You know what? You wear overalls, big old broke iron shoes, and you need a haircut, tramp. Woman, you too. You're still a tramp. What? That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got 6 Cadillacs, 5 Lincolns, 4 Fords, 6 Mercs, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a lover. Prove it by me. My mama was. You're terrible, isn't it? 1967, c'était Otis Redding et Carla Thomas avec ce Tramp. C'était bien. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. C'est concis, c'est bien. Mais ça sera biboche, après. C'est des bagarres ou ça sera biboche. Ouais. On sent que c'est des bagarres ou ça sera biboche. Ouais. Carla Thomas, c'était la femme de Rufus Thomas. Oui. Ton homologue de Memphis, de Radio Arc-en-Ciel Memphis à l'époque. Ouais, t'es DJ, Rufus Thomas. À l'époque. Ouais. Walking the Dog, tout ça. Oui, ouais. C'était bien. Ouais. Enfin, c'était bien. Que des animaux dans ces chansons. Très, très bien. Vous êtes dans The Rocks jusqu'à 21h30, donc il nous reste une petite heure ensemble, et je pense que Sylvain a grillé toutes ses cartouches majeures. Ouais, hein, que tu crois. Alors un chien blessé qui sent la mort venir est toujours un peu dangereux. Ouais. Donc nous allons éviter les dents et nous allons écouter son morceau suivant. Eh ben, tu vois, je rebondis sur ta programmation, on va rester dans les affaires de famille. Ah. Avec plutôt la bagarre entre frangins, quoi. C'était quand même un incontournable, ce soir. Hein, c'est évidemment. Qui, alors petit blind test rapide, qui a pu dire à ton avis en interview qu'il a jamais pu saquer Paul McCartney, qu'il écrivait des, excusez-moi pour l'expression, mettez les guillemets, hein, des chansons de PD, des trucs de mollasson, qui a pu dire ça? Qui a pu menacer à la radio Keith Richards et George Harrison d'une bonne trempe? Même George Harrison, je croyais que George Harrison il y touchait jamais. Bah si, une bonne trempe. Ah, d'accord. Qui a pu dire que Van Morrison était un vieux connard? Il n'y en a qu'un pour dire ça. Liam Gallagher. Liam Gallagher. Qui commence son dernier album qui est sorti la semaine dernière par son frère, t'as poignardé tous tes amis dans le dos. C'est le début de sa première chanson de son dernier album. Ouais. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à choisir une chanson du dernier disque que j'ai écouté un peu vite, pas tout. Il est pas mal. Pas mal, ouais. Non, je choisis une chanson d'Oasis comme ça, quand même, que j'aime beaucoup. Some Might Say. Mais quand même deux mots sur les frères Gallagher, parce que si un duo de champions de la bagarre, c'est quand même bien. Ah, les Kinks, c'est pas mal aussi. Les Kinks aussi, c'était pas mal. Mais là, je crois que oui, non, là, ils battent des records. Ils ont commencé tout jeune. Ouais. Je sais pas si t'as vu le documentaire qui est passé cet été sur Arte, qui décrit l'ascension du groupe. Ah non, j'ai pas vu. Ah, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ouais. Il y a notamment une anecdote vraiment incroyable. Peu de temps après la signature du premier contrat d'Oasis, où vraiment la phase où le groupe se professionnalise, quoi. Ouais. Juste avant le gros décollage, quoi. D'accord. Ils ont un concert à faire, le premier concert hors d'Angleterre, après avoir fait, voilà, évidemment des pubs et puis quelques petites salles. Ils vont faire la première partie de The Verve à Amsterdam. D'accord. The Verve avant le grand succès de Bittersweet Symphony, mais quand même un groupe qui était déjà costaud. Donc, dans ces cas-là. Plus costaud qu'eux, plus renommé qu'eux. Donc, tu te dis, putain, super les gars, on va jouer à Amsterdam, faut être un peu sérieux, quoi, quand même. Donc, ils prennent le ferry pour aller jusqu'en Hollande. Et là, c'est le ferry, je sais pas combien de temps tu vas traverser, mais vient le temps de boire un coup, quand même. Voire deux, voire trois. Donc, il commence à être bien chaud. Et sur le ferry, il y a un troupeau de supporters de je ne sais plus quelle équipe. Et il commence à se chauffer, surtout Liam Gallagher qui se chauffe avec les supporters. C'est filmé, ça? Non, c'est pas filmé, mais c'est raconté assez joliment avec un petit plan du bateau et façon Benny Hill, tu vois. Et je crois que c'est Noël Gallagher qui raconte que son frère apparaît, disparaît d'un côté à l'autre du bateau avec des mecs qui lui courent après, ou lui pour aussi des mecs avec des bouteilles de bière, enfin bon, n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Ah oui. Ouais. Peut-être le garçon le plus antipathique de l'histoire du rock and roll. Peut-être bien. Et le truc, c'est qu'il se fait péter la gueule, première chose, avant d'aller faire le super concert, et il se fait mettre au fer par le capitaine du bateau, si bien que le groupe ne peut pas débarquer et repart sans faire son concert. Ah oui, c'est bien. Ce qui est incroyable. Et puis, une petite pensée quand même à tous les spectateurs de Rock en Seine qui étaient venus voir Oasis et qui sont frités derrière. Ils ne sont jamais reformés. Noël Gallagher a quand même cassé une batte de criquet sur la tête de son frère. Hein. Tout le monde a envie de casser une batte de criquet sur la tête de son frère. Je résiste pas à cette deuxième anecdote parce que ça correspond à l'enregistrement du deuxième disque d'où est tirée la chanson. Ils enregistraient dans une espèce de studio à la campagne, tout intégré avec l'appart. Bucolique, tout ça. Bucolique, ouais. À l'anglaise. Donc c'est Noël Gallagher qui faisait le gros du travail, quoi, faut bien le dire. Et puis pendant ce temps-là, Liam allait au pub, quoi. Donc au pub, tu peux castagner, puis tu te fais quand même des potes. Il avait ramené des mecs, 4-5 mecs au studio, qui sont bourrés la gueule, et qu'on fait les cons avec les guitares de Noël Gallagher. C'est pas bon, ça. Donc Noël Gallagher est arrivé au moment où les mecs faisaient les cons avec les guitares. Il jouait au sable laser avec ses guitares quand même. Donc fou furieux, il s'en est pris à son frère. Voilà. Ah ouais, sacré. Ah ça, là, là, là, là. Ça. Moi, j'ai une pensée surtout pour la maman. La maman. Gallagher, qui a pas dû se marier quand ils étaient petits. Eh ben, elle adorait tellement ses enfants, c'est une maman en gâteau, quoi, tu vois. C'est vrai. Tellement fière. Et ben voilà ce que ça donne. Ouais. Oasis, Some Might Say, et ben ils arrivaient à faire des bons morceaux quand même, les sacripants. Quand même. We'll be right back. faiseurs, mais alors des faiseurs comme ça. Eh bien, c'est exactement le terme que j'avais en tête, des faiseurs. Des faiseurs, mais de génie. Hein, ouais, de très bons faussaires. De grands, grands talents, ouais. De grands talents. Ouais. Voilà. Donc, c'était Oasis avec Some Might Say. Peut-être qu'ils se reformeront un jour. Ils sont capables. Bien sûr que oui. Bon, ce soir, l'émission, c'est Tu veux te battre. On avait commencé tout à l'heure, j'avais commencé avec un morceau de John Lennon qui était How Do You Sleep. Et bah, sur ce même album, il y avait un morceau qui s'appelait God, qui est le morceau le plus terrifiant pour un fan des Beatles, puisque John Lennon chante une litanie comme ça de I don't believe, et voilà, je ne crois pas en Kings, machin, en Superman, un truc, Zimmerman, pardon. In the Beatles. Et il finit, je ne crois pas aux Beatles. Et là, tout le monde chiale, et le Dre dit The dream is over, et tout le monde re-chiale. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Je passe pas le morceau de entier, mais pourquoi il veut pas me le lancer au start? Attends, je te lance comme ça. Voilà, et donc, I don't believe, machin. Et quelques années plus tard, 8 ans après la mort de John Lennon, un scribouillard a sorti des... Alors, il était spécialisé, il s'appelait Albert Goldman. J'ai lu la biographie. Voilà, il était spécialisé un petit peu dans les biographies qui déboulonnent les idoles, un peu trash, etc. Oui. Et il a sorti une biographie de John Lennon, qui avait fait grand bruit, tu l'as lu donc. Bah, elle était dans les toilettes de chez mes beaux-parents. L'été, comme ça, j'ai pris pour lire sur la plage. D'accord. Je crois que t'as passé l'été aux toilettes. Et donc voilà. Et donc ça avait fait quand même un scandale parce que John Lennon, surtout grâce à Yoko Ono, était quand même présenté comme une sorte de Gandhi, quoi. Peut-être pas tout à fait. Et puis il y a un gars qui a pas du tout aimé ça. Mais alors pas du tout ce livre. Je sais pas s'il l'a lu aux toilettes lui, mais en tout cas ça a dû le constiper. C'était Bono de U2 à l'époque où ils étaient vraiment leur apogée, c'est-à-dire l'époque Joshua Tree, Rat Lennon. Et donc hop, ils faisaient Helter Skelter. Et voilà, ils ont repris Helter Skelter, tout ça, et il s'est payé le luxe de prendre son stylo et dire moi je vais régler son compte à Goldman qui a écrit ce livre tout pourri sur mon idole John Lennon. Et il n'a pas appelé ça God, il a appelé ça God partout. Et voilà, et donc il commence par I don't believe in Goldman, I don't believe this book. Et donc il est un peu vénère, ça sent. Attends, c'est là. Ah non, attends, mais c'est pas là. Ouf. Et donc il est vraiment vraiment très énervé. Alors les guitares de The Edge sont très énervées aussi, et là on y croit. Voilà, contrairement à Elton John tout à l'heure, là on y croit, on le sent bien vénère, surtout que à l'époque Bono arrivait à avoir une voix écorchée absolument magnifique. Et bien voici ce morceau God partout. Alors c'est un petit peu machine, un petit peu poum poum, peut-être ça a très mal vieilli, je sais pas si tu connais ce morceau. Non. Et ben voilà, donc c'est la réponse à ce God de John Lennon, mais surtout au bouquin de Goldman. Et ça veut dire et à un moment il dit instant karma gonna get him. Instant karma va le rattraper si je le rattrape pas avant. Donc ça veut dire viens, je vais te taper. Sauf que l'autre il était un peu vieux, donc c'était pas du jeu. God partout, 1988, U2, et c'est maintenant. Don't believe the devil, I don't believe his book. But the truth is never the same without the lies he made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live. I believe in love. Don't believe in forces, don't believe in rage. But every time she passes by, wild folks escape. Don't believe in death row, skid row of gangs. Don't believe in the Uzi, just went off in my hand. I believe in love. Don't believe in cocaine, got a steamboat in my head. Oui, ça finira un morceau. Mais je la connaissais cette chanson, mais j'étais loin de me douter de ce dont elle parlait. Mais oui, voilà, c'est une chanson de bagarre. Bagarre. Avec un écrivain. Une bagarre avec les écrivains sont assez rares. Ouais. C'est vrai. Ce soir, le thème d'On the Rocks, encore pour une 35 minutes à peu près. C'est. Mais où on a le temps de se bagarrer encore plein. C'est une bagarre de 2 heures. Ouais, quand faut la tenir quand même. Ouais, hein, ouais, c'est un combat. C'est un combat, ouais. Souvent, les bagarres. Bon, j'ai vu quelques bagarres, des vraies bagarres avec les concerts, des fois. Ah ouais, c'est moche. C'est laid, les bagarres dans les concerts. Quand tu fais des concerts dans les bars, tu sais, il y a. Où tu joues ? Oui, oui, oui. Ah, alors que tu fais quoi ? Tu continues à jouer ? Alors, pas pendant qu'on joue. Les bagarres, souvent, c'est après, c'est à la fin. C'est quand tu ranges le matériel, tu sais. Là, y a ça existe encore, les gars qui se bagarrent à la fin. Ouais, ouais, ouais. C'est souvent quand le bar ferme ou voilà, enfin, quand le groupe est à deux doigts de repartir dans son camion, tu vois. Toujours des mecs un peu bourrés qui se fritent. Et souvent, c'est un pain et paf, bonne nuit des enfants, quoi. Oui. Mais ça t'est jamais arrivé pendant que vous jouiez ? J'ai pas souvenir. Parce que c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête, on continue ? Ah, bah c'est la grande question. Non, faut jouer. D'après Saint Johnny Thunder, faut jamais s'arrêter de jouer quand des mecs se battent pendant un concert. Ouais, ouais. Faut faire un slow. Tac ! Ouais, bah, je sais pas. Vous en avez pas. Par contre, on a vu l'endroit le plus violent qu'on ait vu quand même, c'est au Free Wills. On avait fait des concerts au Free Wills. Ah oui ? Festival. À Tours ? Non, à l'époque, c'était dans la montagne. Kaya, ça s'écrit qu'une latte, mais tout le monde appelait ça Kaya, dans le Massif Central. C'était un gros festival de motards, ouais. Avec des gros groupes. Hein. Nous, on avait joué, pour te dire, un groupe que j'ai failli mettre dans ma liste, mais finalement, j'ai pas mis. On avait joué après, et je dis bien après, Rostatu. Ah oui, groupe australien. Ouais, on avait joué... qui ressemble un peu à CD, c'est dans la musique. Exact, ouais, ouais, ça. Ouais. On avait joué après Popa Chubby, enfin tu vois. Ah oui. On avait joué à 3h du matin, une nuit d'été, où il faisait après Popa Chubby, ça devait être un peu humide sur scène. Ouais, ouais. Et c'était assez bien, on a vu des mecs vraiment se faire démonter. Si tu veux la bagarre, tu peux aller au Free Wheels, mais... T'intérêt à t'entraîner avant. Bon, c'est moche. Ouais. C'est laid. Parce que nous, c'est de la bagarre un peu pour de faux ce soir, on est bien d'accord. C'est gentil, c'est de la bagarre de cinéma. C'est de la bagarre de cinéma. Alors, ouais. qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh ben, cinéma. Parce que bagarre, qui dit bagarre ? Dit duel. Dit Clint Eastwood. Exact. Évidemment. Et Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, oui. Et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Eli Wallach, voilà. The good, the bad, the ugly. Ah oui. Le bon, la brute et le truand. Ça, c'est bon, ça. Français. Ben oui. Ça, c'est bon. Ça m'est venu il y a très peu de temps, cette idée-là. Parce que, figure-toi que j'étais parti sur une reprise de Tonight. Tonight, c'est une chanson de West Side Story. Ouais. Il y a une version des Shadows. Ouais. Qui est un peu sucrée, un peu plan-plan. Bon. Donc rien à voir avec la bagarre. Tonight. Ah bah, West Side Story, c'est la bagarre. Ah oui, mais enfin. La bagarre. Oui, c'est vrai. Mais c'est la bagarre douce, tu vois. C'est la bagarre pour vendre idéal. Exactement. Mais bon, il y avait quand même la guitare des Shadows. Puis après, j'ai pensé au Venture, quoi, un super morceau qui s'appelle Slaughter on 10th Avenue, Massacre sur la 10e Avenue. Et puis des Ventures, je sais pas pourquoi je suis arrivé à la guitare de New Morricone, quoi. Oui. Enfin, c'est pas lui qui jouait, mais c'est vraiment l'archétype de la guitare, guitare twang, on dit, quoi. Avec ce son. Ah, c'est quoi la guitare twang? La guitare twang, c'est la guitare qui passe par un ampli avec une reverb à ressort qui fait twang. D'où le nom, tout simplement. Si ça faisait POC, ce serait les guitares POC. La guitare POC. Ouais. Avec un effet un petit peu vibrato, enfin voilà, très 60s, early 60s. Et puis, la musique de New Morricone qui accompagnait les Western Spaghetti de manière magistrale, quoi. avec un personnage à part entière, on pourrait le dire. Ouais, on ne connaît pas. Oui, oui, exactement. Ah, oui, la musique, t'enlèves la musique. Ouais, oui. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que ça part d'une contrainte à la base. Cette vague de western là, les western spaghetti, avait des budgets vachement réduits par rapport aux western des années 50. Donc ça allait tourner en Italie. Où il y avait tourné, ouais, ou en Espagne. Ouais, c'est pas cher. Et pour les western John Ford, tout ça, il y avait des moyens pour la musique assez dément, où tu avais un orchestre à cordes et tout ça. Et là, il était un peu plus ric-rac sur le budget. Donc il fallait faire quelque chose avec peu de moyens mais beaucoup d'effets. Peu de moyens, que ce soit efficace. Donc Ennio Morricone a réinventé complètement a inventé un langage en fait, en mêlant des éléments de musique traditionnelle. Alors là, dans ce particulièrement celle-là, il y a les trompettes mariachi, ouais. J'allais dire le riff de flûte, quoi. Oui, oui, oui. Ah, moi, la première fois que j'ai entendu ça à 9 ans, ça m'est rendu fou. Ça rend fou, oui, ouais, ça rend fou quand on est petit. Ça. Avec les chœurs hyper étranges, ouais. Et puis des percus tribales, ouais. C'est un patchwork comme ça d'éléments complètement disparates. Mais voilà, et ça fonctionne à merveille. Ça fonctionne superbement. Avec en plus une patte de vrai compositeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facilité dans la composition. Ouais. Il y a une espèce de descente à un moment. Enfin, c'est des trucs qui passent pas trop entre les pattes d'un rocker lambda, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi c'est pas un rocker lambda, le mec? C'est pas un rocker du tout, même. Pas un rocker du tout. C'est un musicien, un vrai musicien, monsieur. Donc là, le duel est une bagarre, effectivement. Une bagarre codifiée, mais une bagarre. Ouais. Le monde se divise en deux catégories. Ouais. celui qui creuse. Celui qui a la flingue et celui qui creuse. Ouais. Toi, tu creuses. Voilà. Encore des Indiens. Français, c'est vrai. Blondin, chanteur. Il y avait un chanteur qui s'appelait Blondin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon bah là, ça c'était bien. Ça m'a donné envie de revoir le film. Bah ouais, voilà, je saute sur le DVD quand j'arrive à la maison. The Good, the Bad and the Ugly. Mais il y a plein de morceaux comme ça. Il était une fois dans l'Ouest, enfin, avec ces sonorités-là. Et puis la guitare, ouais, vraiment la guitare, c'est une guitare un peu shadows, hein, un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est voilà. J'ai sauté des twang. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Alors là, on est vraiment dans ce que je vais diffuser maintenant, toujours dans la thématique ce soir dans The Rocks, tu veux te battre. On se demande des fois comment commencent les bagarres. Ça, on sait pas, parce qu'on arrive, les gaz battent, bon, vous êtes en train de ranger le matos, c'est le point de départ, on sait jamais, en fait. On sait jamais, l'alcool, souvent. L'alcool, souvent. Mais des fois, c'est pas l'alcool. Des fois, c'est juste un mec qui a une tête à claque qui est insupportable, et ça part comme ça. Ouais. Et ben, la chanson du plus beau tête à claque à qui on a envie, la bagarre, suit juste le morceau, c'est-à-dire qu'on a envie de lui en coller une tout le morceau, mais c'est fait exprès. C'est un chanteur qui s'appelle Jude. Alors, Jude. J'adore Jude. J'étais fan de Jude. Ouais. Il est arrivé à peu près au même moment que Ben Harper, Jeff Buckley. C'était vraiment ma trilogie. J'adore. J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer. J'ai rencontré un mec un petit peu déprimé dans des coulisses du bateau ivre à Tours où ça marchait pas trop, ça marchouillait. Et pourtant, quelques années auparavant, il avait sorti un album qui s'appelait No One Is Really Beautiful, qui était un chef-d'œuvre pour moi, repéré par Madonna, qu'il avait foutu sur son label. Et le morceau qui termine cet album, alors il y a tout, il y a des morceaux folk absolument lumineux, magnifiques. Il y a des trucs un peu plus des trucs à la Donovan, un petit peu. Ouais, j'adore les chansons épurées avec sa voix au pitch. Voix magnifique. Et puis un talent de compositeur incroyable et dans les paroles un peu sarcastiques. Et donc l'album se clôt par un morceau qui s'appelle The Asshole Song, ça veut dire la chanson du trou de balle. Et je l'ai vu sur scène chanter cette chanson, c'était absolument délicieux. C'est-à-dire qu'il avait une clope qui tenait du bout des doigts comme ça et il prenait son temps avant de faire chaque couplet avec une tête à claque, on avait envie que ça démarre. Et donc il le faisait très très bien sur scène. Et donc les paroles sont horribles. En gros, il voit sa copine pleurer, il dit ah bah voilà, maintenant tu pleures, j'ai pas envie de te voir pleurer, je m'en vais. Et il se décrit lui-même comme un assol dans cette chanson, et on a envie de lui coller une beigne. Donc c'est la chanson pré-bagarre. C'est vrai. J'ai envie de passer ce morceau. ça s'appelle The Asshole Song. C'est... Parce que sinon, Jude pour la bagarre, bon. Oui. C'est Jude. C'est pas vraiment Rostatou, quoi. Mais on a envie de l'en coller une. Ben sur oui. Tout le morceau. Ben oui. 1988, The Asshole Song. Et voilà, vraiment, je vous conseille cet album de Jude qui est magnifique. Here you go. Your eyes are all wet now. You know that I'm lying. I swear I was only protecting your heart. But there are some reasons, and also some pictures, which if you saw they would rip you apart. And I won't watch you cry goodbye. I'm an asshole. I'm almost a tall guy and fairly good looking, so people, they trust me, but sometimes they're wrong. I have often wondered which one was the taller, my old Alexander or Kublai Khan. I was a pig and never no good. Now you can see through the streams in your eyes, every nickel is wood. Your lines are all fading, your models all last year. I am still a young man and I need a new car. Your friends will all hate me, but I know I'm smarter. I'm in love with a fan and she thinks I'm a star. des plus grandes injustices du rock'n'roll. Ce gars-là devrait être une star, justement. C'était Jude. Pas de nouvelles depuis longtemps, discographique. Je suis allé voir un peu sur son site, il vend, alors je vois ma housse de guitare dédicacée pourtant, mes médiators, mes machins. Je pense que ça doit être un peu compliqué. En tout cas, cet album est un chef-d'œuvre. Cette chanson, particulièrement. Alors, moi, j'avais jamais écouté la manière dont t'en parlais tout à l'heure. Bon, moi, je l'ai toujours pris très premier degré et de manière assez poignante. En fait. Oui. Ah, ouais. Avec bah, le mec, bon, ouais, excuse-moi, je suis qu'une merde. Mais... Ouais. Mais ouais. D'accord, mais peut-être en fait. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, on ne tape pas sur un premier degré, jamais. Jamais. Jamais. Encore 20 bonnes minutes dans The Rocks pour cette émission spéciale Tu veux te battre. Pour l'instant, quelques échymoses, mais un combat à peu près équilibré. Voilà, je vais remettre la gomme là. Après Jude, je vais remettre. Le Mike Tyson de la musique. Ouais. Vise les oreilles. Ce clash quand même. Ah oui, bah je l'enlève. Bah oui. Voilà. Tu l'avais aussi, forcément. Bah oui, je l'avais forcément. Clash avec un nom comme ça, si tu veux, c'est la bagarre. Oui. Rien que le nom, c'est la bagarre. Rien que le nom, c'est la bagarre. Puis c'est un groupe qui a quand même parlé pas mal de bagarre, ou du moins d'affrontement, quoi. Il y a beaucoup d'émeutes. D'émeutes. Bah oui, c'est la chanson que j'ai choisie. Oui. Mais au-delà de ça, j'avais pensé à Guns of Buxton aussi, qui dit bah, tu nous cherches, on va sortir les flingues, mon gars, fais gaffe. Et puis, il y a pas mal de chansons comme ça qui ont un espèce de fond militant, de lutte, de. Puis ils cassent leur guitare sur les meilleurs albums du monde, quand même. Sur la pochette du meilleur album. La basse, oui, c'est vrai. Ah, la basse, oui, c'est Paul. Paul Simonon. Est-ce que c'était des vrais bagarreurs? Ou est-ce qu'ils jouaient un peu? Non, c'était pas des bagarreurs. Joe Strummer, c'était un fils de diplomate, quand même. Un peu bab avant. Oui, c'est vrai, très bab. Mick Jones, c'était un bon gars, fan de Mozzie ou Paul. C'était pas des bagarreurs. Non. Peut-être. Topper Hayden pour aller chercher sa dose. Quand il est en manche, il a peut-être fait des sales coups. Bon, oui, peut-être c'est bien. Possible. Mais je pense mais qu'il ne le ferait pas. Qu'il ne le ferait pas. Bon. Ouais. En tout cas, ils ont failli se battre au début. Et c'est ça qui est rigolo aussi. C'est-à-dire que qui cherche la bagarre peut parfois trouver un groupe. Parce que j'en ai pas déjà parlé ici. Ah, c'est pas beau ça, qu'on commence à plus se souvenir. Ça fait un peu peur ça. Ouais, c'est ça. Je dirais rien, je fais comme si c'est la première fois. Non, je crois pas, Sylvain. Oui, mais je te rappelle que t'as repassé une chanson que t'avais déjà passée une fois, toi. J'ai 4 disques. Ouais. Et en fait, à l'époque, Paul Simonon et Mick Jones traînaient ensemble. Ils voulaient faire un groupe et ils cherchaient un chanteur. Et ils avaient dans leur viseur le chanteur des 101ers, qui était un groupe de pub rock. Donc le chanteur, c'était Joe Strummer. Ils étaient allés voir un concert en se disant bon, on va aller le voir à la fin pour essayer de le convaincre de jouer avec nous. Et donc, ils sont sortis dans la petite allée sombre derrière le club probablement miteux où le groupe avait joué. Et Joe Strummer les avait repérés du coin de l'œil, persuadé que les mecs allaient s'en prendre à lui. Donc il avait déjà fait son plan. Il dit bon, je frappe le plus costaud. Au moins, je pourrais peut-être l'avoir. Simonon, a priori, ouais. Ce qui est pas un nom de bagarreur, hein. Simonon. Non. Simonon, non. Simonon, non plus. Non plus. Et François Sagan. Non plus. François Sagan à la baston, c'était quelque chose. Et en se disant, bah voilà, peut-être une fois le premier par terre, j'aurai peut-être une chance avec les deuxièmes. Puis en fait, non. Et avant que les premiers coups s'échangent, les autres ont dit, mais non, on veut juste faire un groupe avec toi. Et donc, on se bagarre pas, alors. Non, on se bagarre pas. Et donc voilà, des brûlots, évidemment dès le départ. Et avec cette chanson White Riot, qui est inspirée d'émeutes auxquelles avaient assisté Joe Strummer et Paul Simonon, je crois, les émeutes de Notting Hill à Londres. Pendant le carnaval de Notting Hill où la police avait chargé. Et ce qui est rigolo, c'est que le morceau, alors il y a plusieurs versions de cette chanson, la version de l'album anglais, la version de l'album américain, c'est pas les mêmes versions. Sur cette version, il y a les bruits de police de sirène au début et les bruits de castagne à la fin, de verres cassés, d'émeutes dans la rue, voilà, des meutes blanches. Ouais, ça, en fait, bon, le propos est un peu simplon quand même. C'était pas non plus une période où les propos étaient très développés, ouais, quand même. Il dit, en fait, bon, si on veut quelque chose, autant jeter des pavés dans la rue, au moins, on va peut-être avoir, faisons comme les Noirs qui ont fait ça au carnaval de Notting Hill et faisons une émeute blanche. Bon, c'est. Ils ont fait un disque plutôt. Ouais. Sur le premier album des Clash qui s'appelle The Clash. Voici What Riot. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why bagarre. Ah ben ça repart. Il n'y a pas la bagarre, ça repart. La police revient. La police revient. C'était White Riot avec The Clash. Voilà, c'était, c'est, on sentait que c'était le premier album. Hein. C'était, on oui, donne ça, tout ce qu'on a. Ça, oui, oui, ça jouait un peu sec, un peu bourrin, un petit peu bourrin. Ouais. Bon, voilà. Mais c'était quand même bien. Ben oui, bah oui, bien sûr. Ce soir, donc, tu veux te battre. Alors, il y a plusieurs types de bagarres. Il y a les bagarres, effectivement, dans la rue, comme ça, hein, dans les émeutes, tout ça. Et puis, il y a un concept qui a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Roger Taylor, ci-devant batteur du groupe Queen, qui est la bagarre de l'intérieur. Donc, dans sa bagarre, dans ce titre, qui est assez bagarre, il est dit, d'accord, bats-toi, mais dedans toi. Ah ouais. Donc, peut-être les gars, à un moment, les trois autres se sont dit, pardon, excuse-moi. Quoi? Non, on se bat dedans. Ah ouais. D'accord, bah vas-y, montre-nous. Comment tu fais ? Et donc, lui, il leur a montré sur l'album News of the World. Le titre s'appelle Fight from the Inside. Donc, les gars ont joué, hein, ils n'étaient pas contrariants, mais ça n'a pas porté beaucoup ce type de bagarre. C'est vrai ? Ou alors, c'est pas spectaculaire, on s'en rend pas compte. Non, bah, faut rentrer à l'intérieur pour voir. Faut rentrer à l'intérieur pour voir. Alors, j'ai deux informations importantes. C'est que, merci Wikipédia, Roger Taylor est né un mardi. Ouais. Et ça, quand même, c'est important. Et son père était inspecteur au conseil d'administration d'un service de marketing. Ah, alors, oui. Est-ce que c'est possible de se bagarrer quand son père est... La preuve. La preuve. Mais à l'intérieur. De l'intérieur. Ça s'appelle donc Fight from the Inside. Ça dure 3 minutes et c'est un morceau de Queen où Freddie Mercury ne chante pas puisqu'il a dit, moi, je comprends pas le concept. Donc le gars, il lui a montré. Et ça fait ça. Notez que sur ce morceau de Queen, Freddie Mercury n'apparaît pas, il ne joue de rien, il l'avait probablement orthodontiste. voilà, donc c'était Queen avec Fight from the Inside. Il apporte toujours des concepts un peu étranges, Roger Taylor. Oui, In Love with My Car. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Bah oui. Et les gars, une chanson que j'aime vraiment de la voiture. J'aime bien cette chanson. Mais il y en a toujours une hein, sur un album de Queen, il laissait faire un peu. Ouais, c'est une chanson qui m'inspire un thème dont je t'avais peut-être déjà parlé, le thème Vroom Vroom, tu vois. Ah, le thème, ah oui. Le thème Vroom Vroom. Ah, le thème vroom vroom, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Je vois que tu es conquis par. Ça y est, je suis déjà en train de. Mais pour l'instant, nous sommes dans Tu veux te battre. Tu veux te battre et si il te reste allez, un morceau. Ton dernier morceau. Mon dernier morceau, bah, si tu veux te battre, mon gars, t'as le choix entre aller à Brighton ou aller en Afrique du Sud pour te friter avec Ginger Baker. Qu'est-ce que tu choisis? Ah, Afrique du Sud, c'est pas mal. Ouais. Parce que ça frite un peu en Afrique du Sud. Oui, mais alors là, c'est spécial. Ah oui, mais... Tu connais Ginger Baker? Tu sais qui c'est, Ginger oui, Baker? Oui, c'est Cream. Ouais, oui, le batteur de Cream. Le batteur de Cream. Edouard Ginger Baker. Ginger... Edouard Leroux, en fait. C'est le rouquin. Oui. Hein? Et Ginger Baker, alors, je savais pas, moi. Moi, j'avais l'image de Cream, quoi. Groupe un peu, voilà, psyché, dans l'air du temps, c'est-à-dire plutôt sage. Cool, sage, ouais. Non. Sauf que Ginger Baker, non, c'était une sacrée tête de con, un sacré bagarreur. Ah oui. Ah oui, vraiment un mauvais, vraiment un teigneux. À tel point que Jack Bruce, qui a joué dans Cream aussi, oui, était bien content de plus le voir après un premier groupe. En fait, avant Cream, les deux ont joué ensemble avec un musicien qui s'appelait Graham Bond, hein, qui avait son groupe. Et bon, ils étaient un genre de groupe un peu à la Alexis Corner ou voilà, qui c'était un peu l'auberge espagnole où les musiciens passaient comme ça. C'était une expérience assez éprouvante pour Jack Bruce. De côtoyer ce mec qui était prêt à dézinguer le premier qui le regardait de travers et qui se gênait pas pour le faire. Et un jour, Jack Bruce reçoit un coup de fil de Clapton. Eric Clapton, lui disant « Bon mec, j'ai une super idée de groupe, là, on va faire un power trio, ça va être génial, ouais. J'ai un gars là, un batteur sous le coude, c'est le mec, c'est un super batteur, bon, tu viens, répète, tu vas voir, je te dis que ça. » Je t'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus. Et là, Jack Bruce découvre son ancien compère et il se dit « Non !» Un cauchemar. Le cauchemar recommence, quoi, et a reduré quelques temps. Il y a eu un documentaire sur Ginger Baker il y a quelques années où un mec est venu le voir dans son ranch en Afrique du Sud, justement. Donc le mec, il vit un peu reclus depuis des années, cette espèce d'ermite comme ça, qu'on veut à la terre entière. Il a passé pas mal de temps en Afrique, hein. Il avait joué notamment avec Fela. Il a fait un truc assez intéressant pour ceux qui aiment les solos de batterie, quand même. Oui, assez, ouais, et l'afrobeat, ouais. Et le documentaire, c'est rigolo parce que le mec fait gaffe quand même aux questions qu'il pose. Faut pas trop le brosser dans le mauvais sens, le Ginger Baker, bien qu'à l'époque il est déjà assez décati, assez vieux. Mais il a une canne quand même. Et il y a quand même un moment où il pète le nez du gars, quoi. Ah oui, pour de vrai. Le journaliste. Ouais. Le mec vient de, ça doit être en anglais, il vient du fin fond du monde pour aller interviewer Ginger Baker et il vient avec un nez cassé. Voilà, Ginger Baker, petit morceau de Cream au nom imprononçable, Slurble. Ça sent sur le deuxième disque. Ce qu'on pourrait traduire par vomi un peu. Je sais pas. Slurble. Je sais pas. C'est peut-être l'excès d'acide, je sais pas. On ne sait pas. Has a beard, running to me a crying, when it throws you out, running to me a crying, on your own again. You got that girl feeling, such good responses, but the picture has a mustache. You're coming to me with that soulful look on your face. Coming looking like you never ever done one wrong thing. That soulful look on your face. like you never ever done one wrong thing. So many fantastic colors, I'm feeling a wonderland. Many fantastic colors makes me feel so good. The rainbow has a beard. C'est lui qui finit le morceau, sinon ça. Sinon, ça, non, ça va pas. Sinon, ça se passe pas bien. C'était Cream avec ce morceau. Et c'est Clapton qui chante bien là sur ce morceau. Non, c'est Jack Bruce qui chante. Ah, c'est pour ça. Sinon, il chante moins bien Clapton. C'est ça, c'est pour ça. Ok. Ça va être la fin de l'émission. Merci, mon cher Sylvain, d'être venu ce Mais soir. Avec plaisir. Je ne t'ai pas trop castagné, tu vois. C'était gentil. C'était quand même sympa. Ouais. On va se terminer avec un petit morceau parce qu'il y a plusieurs sortes de bagarres, forcément. Celui-là, j'ai pas osé. Alors, mais j'ai osé. J'avais failli. Liner Skynerd quand même, parce que avec Sweet Home Alabama, oui. Cette histoire de dire Neil Young vient de battre sous le soleil d'Alabama, et bien on va quand même se passer en dernier morceau ce Carl Douglas avec Kung Fu Fighting, qui le est son un morceau, bagarre. Le son de bagarre. Le son de bagarre, c'est quand même un morceau, je sais pas d'où ça arrive ça, c'est, comment ça peut naître un morceau comme ça. Je sais même pas qui est Carl Douglas. C'est un mec, alors j'ai regardé un peu moi, parce que t'as bossé, pas moi, j'ai bossé, juste le morceau. Le mec, il était habillé en ninja quand même pour sa chanson. C'est concept total. Et c'est une ode au kung fu. Peut-être ça devait être à l'époque des films Bruce Lee, tout ça. Bruce Lee, ouais. Voilà. Bon, alors on va terminer. C'est quand même de la bagarre. Funky disco, et qui est une bonne chanson. Super morceau. Ouais, super morceau avec une intro particulièrement redoutable. Je vous retrouve la semaine prochaine dans On The Rocks. Vous pouvez réécouter l'émission sur Zef Abloa jeudi, et vous pouvez réécouter quand vous voulez sur ontherocks.net. Il y aura un concert de Mélissa Lavo vendredi à l'Astrolabe. Je vous conseille, si vous ne l'avez jamais vu sur scène, c'est vraiment très très bien. Et le dernier album est encore vraiment très très bien, donc allez-y. Et puis, mon cher Sylvain, tu reviens quand tu veux, pour Vroom Vroom ou pour autre chose. Ouais. Voilà, tu me donnes la date, je relève le gant comme d'habitude, et les auditeurs m'envoient des petits SMS du Duché Compagnie qui ont bien aimé. Bon, voilà, ça leur a fait du bien. Eh ben, c'est bien. Kung Fu Fighting. Chantez tous en chœur, mes frères et sœurs. Oh, oh, oh, oh, c'est parti. Et rendez-vous à bientôt. Salut. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. Ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chung. He said, here comes the big boss. Let's get it on. We come.